je ne veux pas de tous ces blabla. Des spécialistes de la mauvaise foi, je ne veux pas vivre dans ce brouhaha. Laver l'enfant jusqu'au pugilat, je ne veux pas subir les coups bas. Au prétexte, je ne savais pas, je ne veux pas ceux qui se plantent là. Un gros aussi mieux que Dracula, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas.